J'en ai marre de mes parents. Pourquoi? Je vais habiter seul dans mon appartement tout seul. J'en ai marre de mes parents. Pourquoi? Je suis trop difficile. Pourquoi? J'en ai marre comme on gueule tous les matins. Pourquoi? J'en ai marre de mes parents. Pourquoi? Je vais habiter seul dans mon appartement tout seul. J'en ai marre de mes parents. Pourquoi? Pour vivre une nouvelle expérience. Vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre.